Oui, depuis 2003, on assiste à un chamboulement progressif, mais un chamboulement complet des finalités, des modes de financement et des structures de la recherche. Si vous prenez la conférence de presse de Claudie Aigneret de septembre 2003, vous trouvez déjà à peu près tout ce qui nous est appliqué aujourd'hui. Et ce, dans un contexte de perte, disons, de la place de la recherche, au moins de la recherche. L'enseignement supérieur, ça doit suivre le PIB, mais une décroissance de la part de la recherche dans le PIB. Pour donner un ordre de grandeur, la France était troisième mondialement dans les années 70. Elle était cinquième dans les années 80. Elle était septième dans les années 95. Elle est quatorzième aujourd'hui. Par rapport au but affiché de 3% du PIB, Jean, le dernier budget, le jaune du budget, donne qu'on est à 2,02%. Et sauf une petite remontée entre 1997 et 2002, depuis à peu près 15 ans, on décroît constamment. Donc ça, c'est un enjeu. Je crois que c'est la situation à peu près similaire quand on regarde le classement pour l'enseignement supérieur. On doit être 30% en dessous de la moyenne OCDE pour les dépenses par étudiant, sachant qu'au demeurant, et vous le savez, évidemment, les dépenses par étudiant sont les deux doubles dans les écoles et prépas que dans l'université. Et là-dessus, ça a été rappelé, ça je suis de près, les budgets, c'est incroyable les budgets Pécresse. Les budgets Pécresse, elle annonce que les bonnes nouvelles. Elle les truande complètement, mais elle les annonce. Elle oublie totalement, vous n'avez jamais vu, chaque année, il y a des suppressions de crédits. Il y en a eu, on a voté un budget le 15 décembre. Le 15 janvier, il y avait déjà un premier train de suppression de crédits. Et ça, personne n'en a parlé. Donc, actuellement, bon, l'an dernier, par exemple, avec les suppressions, le budget a augmenté de 0,9%. On est loin des 25% qu'elle a annoncés à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je ne parlerai pas, je ne détaillerai pas ces chiffres-là parce que c'est tellement net, c'est tellement clair, tellement gros que, bon, vous pouvez les trouver. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que les moyens budgétaires, le budget est un moyen pour changer fondamentalement les structures, les finalités de la recherche. C'est-à-dire qu'on a substitué, vous prenez 2003, moins 30% des crédits de base au CNRS. Ça a continué à s'affaiblir. Un petit rebond en 2004 pour les raisons que vous savez. Mais en même temps, on a créé l'ANR. C'est-à-dire que cette baisse est en apparence, j'y reviendrai, reprise par l'ANR. Vous avez les universités. Mais les universités actuellement, bon, les présidents sont contents parce qu'on leur transfère des compétences. Donc il y a plus d'argent, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils sont contents, plus ils ont à gérer, etc. Ils ne voient pas qu'ils seront entubés complètement. Parce qu'on leur a transmis là les allocataires de recherche, la PEDR, etc. Ça leur donnait l'argent correspondant. Mais ils sont contents parce qu'ils ont plus d'argent. Et c'est visible, le budget des universités augmente. Mais désolé, quand on regarde globalement, c'est faux. Et je vais y venir. Vous avez une étape de plus avec l'emprunt. Parce que l'emprunt, ce n'est pas le plan de plus. Ça va beaucoup plus loin. Et je montrerai que l'emprunt national, la façon dont ça se fait, vise en fait à l'intérieur d'ensemble des campus, des presses, avec statut ou non de PCS ou de fondation, ça vise à faire en sorte à cliver horizontalement et à détacher simplement, entre guillemets, beaucoup de guillemets, une élite. Et en ce sens, Je dirais presque, malgré tous les clowneries de Pécresse sur les 30% de boursiers, etc., ils sont en train de dépasser le problème grandes écoles, universités, au sens où il va y avoir l'excellence, votre excellence, où il y aura des grandes écoles, etc., et des universités, des morceaux d'universités, excusez-moi, et puis la merde. Il pourrait y avoir des grandes écoles dedans, puis ce truc, on laisse tomber. Et que, voilà. Alors, là, il y a un entubage qui est assez classique, c'est que, c'est en plus, 1 milliard de plus, ou je ne sais pas combien elle raconte, n'importe quoi, cette femme, remarquez, elle joue bien son rôle, parce qu'elle n'est pas la seule dans son cas. L'ANR a porté de l'argent nouveau. Alors, d'abord, ça me fait marrer d'entendre les CHS dire ça. Alors, je voudrais quand même vous dire que vous représentez 40% du point de vue des universités et vous représentez 3% des crédits ANR. Donc, de voir les CHS vachement contents de l'ANR, mais ce n'est pas ça. J'ai fait un petit calcul simple. Je me base uniquement sur les statistiques OCDE ramenées par l'OCDE en francs constants. J'ai regardé entre 2002 et 2000, en euro constant, excuse-moi. J'ai regardé en 2002 et 2006, c'est-à-dire 2006, l'ANR a bien démarré, 2002, elle n'y est pas du tout. Quand vous regardez ce qu'on appelle les crédits de la recherche académique, les crédits de la recherche académique ont diminué de 2% dans cette période, c'est-à-dire que l'ANR a été prise sur d'autres crédits. D'autres crédits, soit des organismes, soit sur vos salaires. Parce que dans la même période, le pouvoir d'achat est descendu d'1% chaque année. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'ANR est un truc absolument fantastique, puisque c'est vous qui l'a payé, finalement. Ou les gens qui prennent le contrat ANR, eh bien, en même temps, ils payent leurs moyens de travail parce que s'ils avaient été revalorisés correctement, l'ANR aurait été beaucoup plus restreinte. Mais vous pouvez prendre la même chose avec le plan campus. Le plan campus, on annonce, je ne sais pas combien tu as dit, 3,5, 3,7, c'est 3,7 milliards, parce que ces cons-là, ils ont voulu faire un coup de bluff, un coup de pub, il y avait 5 milliards d'actions EDF, ils ont mis d'un coup sur le marché, si bien qu'au lieu de récupérer 5 milliards, ils en ont récupéré 3,7. Et c'est pour ça que vous verrez que dans le grand emprunt, il y a 1,3 quelque part qui traîne pour le plan campus. C'était pour compléter. Bon. Mais le plan campus, c'est une gigantesque escroquerie, ce truc. Parce que il y a du fric, c'est vrai, mais c'est du fric qu'il va falloir rembourser. Et chaque année, ce fric remboursé, il se fera rembourser sur les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est-à-dire, on peut être pour ou contre un emprunt, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, on ne peut pas dire que c'est de l'argent en plus. C'est de l'argent qu'on a emprunté. Vous n'additionnez pas votre salaire et vos emprunts. Autrement, vous seriez souvent très riche. Donc, voilà à peu près le tour de passe-passe qu'elle fait. Et le grand emprunt, c'est bien pire. Ils ont, je vous ai dit qu'il y avait un collectif budgétaire au 15 janvier. Dès cette année, le grand emprunt va rapporter 500 millions. Vous pouvez vérifier que le collectif, je crois que c'est du 21 janvier, excusez-moi, du 21 janvier, il porte sur 500 millions. Et que Eric Woerth a annoncé une chose, c'est qu'étant donné qu'il faut rembourser le grand emprunt, à partir de 2011, malgré les promesses faites, pour les organismes au moins, et pour les opérateurs de l'État, l'emploi descendra de 5% et les crédits de 10%. C'est-à-dire que le grand emprunt, on le paye, c'est simplement un transfert de ligne, mais un transfert de ligne qui permet de faire en sorte qu'on change de politique, que ce soit l'État qui décide où et quand il met l'argent. Alors, tout ça pour quoi faire ? Je crois que on est dans une vision, que j'appelle étroitement utilitariste, et qui est la vieille théorie réactionnaire qui est le stock des connaissances est bien assez suffisant, Le seul problème, c'est qu'on les exploite mal. Et dans cette vision utilitariste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont à la fois brisé tout ce qui était solidarité, tout ce qui était approche globale, tout ce qui était approche dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont brisé, par les appels d'offres d'ANR, par équipe, etc., ils ont brisé les laboratoires, ils ont tenté de briser les organismes, on y reviendra, et en même temps, on a remplacé les projets, un travail à long terme, sur le long terme de la recherche, par un travail sur projet, c'est-à-dire sur le court terme. Mais en inversant la charge de la preuve. Parce que quand même, quand une équipe, un labo, déposait sa demande d'association, il déposait ce qu'il voulait faire. Il s'inscrivait de rien du tout a priori. Alors éventuellement, il discutait avec son directeur scientifique, etc. Mais là, c'est l'inverse. Il doit s'inspirer d'un certain nombre de créneaux, sauf des projets dits blancs, dont, en fait, ils sont de plus en plus colorés, puisqu'on a commencé à en faire 10 ou 20 sous rubrique maintenant. Donc, ça, c'est ce problème du travail à court terme, long terme. Évidemment, progrès des connaissances là-dedans. Chacun sait que progrès des connaissances, hein, bon, on avance, on recule, on va par dans cette direction, on revient. On n'est pas sur un contrat de 3 ans avec le progrès des connaissances. Et l'autre aspect quand même qu'on sous-estime, à mon avis, c'est la part croissante que prend toute la technocratie engagée. Parce que, bon, une technocratie, c'est pas neutre. Bien sûr, il y a l'ANR. Bien sûr, il y a l'ARS. Mais regardez au CNRS. Il y a eu un pouvoir du secrétaire général de plus en plus grand. Maintenant, le secrétaire général, il est directeur général adjoint. C'est-à-dire prise en force. Et quand vous lisez le rapport à Guillon, il y a quand même quelque chose à part. Des corrélations. Regardez, ouvrez le rapport à Guillon. Vous avez ça comme corrélation, vous le foutez à la poubelle, direct. Hein. Vous dites, là, j'ai eu une mauvaise... Non, il fait tout son truc là-dessus. Mais le truc futé, c'est de distinguer au niveau d'une université le staff scientifique du staff gestionnaire. Parce qu'évidemment, étant donné qu'il y a un désengagement financier de l'État, un recours de plus en plus grand aux fondations, avec les fundraisers, etc., et c'est cet aspect-là, cette direction administrative qui prendra évidemment le dessus. Alors, ils ont une stratégie qui est une stratégie évolutive. À mon avis, ils savent parfaitement où ils vont, mais ils ne savent pas au jour le jour par où ils vont passer. C'est-à-dire, en gros, ils lancent 40 boules. S'il y en a 4 qui passent, il y en a 4 qui passent. Si on les bloque momentanément sur tel ou tel aspect, ils essaient de passer autrement. Et donc, les structures elles-mêmes qu'ils mettent en place sont des structures évolutives, évolutives dans leur rôle. L'ANR, ça a été le truc phare. Mais l'ANR, maintenant, est beaucoup moins important. Pourquoi? Parce que vu la résistance qu'a eu le CNRS de ne pas vouloir se faire dissoudre, vu que quand même, les instituts du CNRS restent dans le CNRS, avec un budget voté par le Conseil scientifique, avec un directeur nommé par la direction générale. Mais ils ont créé autre chose. Ils ont créé au-dessus, ils ont créé les alliances. Alors les alliances, alors là, il n'y a plus personne qui est à pied. Les alliances, ça va déterminer les grandes orientations de recherche, mais c'était très, très démocratique parce qu'ils s'inspirent de la SNRI, Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation. Mais cette SNRI, il n'y a pas un seul élu qui a siégé là-dedans. C'est un truc où on a nommé des commissions. Alors dites-moi, ce que vous voulez comme conclusion, je vous nomme la commission au top niveau qu'il dira. Donc ils ont nommé des commissions, ils ont exclu complètement, y compris le comité national. Donc quand même, le rôle était un rôle de prospective et qui n'est pas encore foutu en l'air. Et c'est SNRI qui passe aux alliances et qui ensuite va donner les ordres et à l'ANR et aux organismes. Alors, moi, je pense que les choses vont beaucoup plus loin également avec le grand emprunt. C'est l'heure ? Peut-être qu'il faudrait... J'ai commencé à écart. Hein. Oui. Bon. Alors, je laisse là-dessus, je voudrais parler de la précarité. La précarité, parce que la précarité, c'est vrai, moi j'avais très suivi dans les années 79-80, où on avait quand même intégré 6000 précaires, il y avait deux points qui étaient aberrants, c'est anthropologie et ethnologie, où des mecs, on envoyait, ils vivaient pendant l'année d'une mission d'un mois dans le Tchad, ou je ne sais pas quoi, bon, c'était une situation catastrophique déjà. Mais supposé... La précarité, je ne minimise pas ces cas sociaux, c'est des cas qu'il faut traiter, et ils sont absolument scandaleux. Mais si on regarde sur l'ensemble des disciplines, la précarité est d'abord un moyen de pilotage. C'est-à-dire que les labos, n'ayant en bloc le recrutement, ils ont besoin de faire des choses, ils passent des contrats NR, les contrats NR, ils prennent des CDD. Mais les contrats NR, ils ne sont pas aléatoires. Et la deuxième chose, une deuxième type de choses, qui sont les désengagements de l'État. Avant, il y avait, au niveau des biatos, un statut pour tout le monde. Mais maintenant, ce statut, il est foutu en l'air. Pourquoi ? Parce qu'on dit aux universités, recruter des CDI. Et du reste, cette mise en cause des statuts est valable aussi pour le CNRS, puisque les organismes, maintenant, peuvent embaucher des CDI. C'est-à-dire que cette précarité, qu'on la chiffre à 40 000, 50 000, 60 000, ça importe peu, il va falloir la lier à la problématique dont elle est issue, et en particulier tous les CDD à NR, par exemple, et donner des mots d'ordre précis pour chacun des types de CDD. Pour les CDD, les CDI et CDD de l'université, c'est très simple. Hein, il suffit de transférer les crédits de façon à créer des postes. L'argent existe. Les contractuels, les CDD de l'ANR, l'argent existe, etc. Dans les cas comme l'anthropologie, bon, il faudra trouver des revendications extrêmement précises. Mais je voudrais dire que, en dehors de l'aspect, je passe vite, destruction des statuts, etc., puisque quand même fonctionnaire, quand même pourquoi on est fonctionnaire, quand même quelque part qu'on a créé les fonctionnaires, c'était pour que les agents de l'État soient à l'abri des pressions personnelles, politiques et économiques. Or, justement, tout le truc actuellement, c'est de les mettre dans la remorque. Et quand vous regardez, je ne parlerai pas de la peste, mais on est en train de créer une nouvelle prime, ce que j'appelle une nouvelle prime à la casse, je m'explique. Vous suivez peut-être l'industrie pharmaceutique, c'est pas secondaire, 1300 licenciements à Sanofi-Aventis. Le jour même de recherche, 1300, c'est pas... Le jour même où Sirota, de l'Alliance pour les sciences du vivant, annonçait que désormais 30% de la recherche du privé se ferait en coopération avec le public, on peut discuter. Le jour même, il y avait dans les Échos ou la Tribune l'annonce comme quoi Sanofi-Aventis dégraisse. C'est-à-dire fait ses licenciements. Et ce qu'on va faire, c'est forcer les coopérations. Vous avez des labos qui n'auront pas de fric et qui vont avoir intérêt à passer des contrats avec le privé. Pour le privé, ça ne lui coûte pas grand-chose parce que le crédit d'impôt est doublé. Ça lui coûte 40% quand il passe un contrat, le reste c'est 60%, c'est l'État qui paye. Mais pour être sûr que ça marche bien, eh bien on va avoir une prime où on va pouvoir se payer sur la bête. C'est-à-dire que chaque fois que vous passez un contrat avec le privé, vous allez pouvoir reverser 10% des salaires à l'ensemble des individus. Alors, dernier mot sur cette précarité. En dehors de son aspect socialement dégueulasse, tout ce qui a été dit. Je crois quand même qu'il faut bien voir les choses. C'est que cette précarité est un aspect complètement dissuasif pour que les jeunes aillent vers la thèse et le doctorat. Une enquête du ministère montre que le nombre de docteurs en France va baisser de 30% en 10 ans. Je rappelle qu'on forme 10 000 docteurs, la Grande-Bretagne 15 000, l'Allemagne 25 000. Mais l'Allemagne, elle est restée aussi un pays industriel, contrairement à nous. Par an. Et dernier point, et justement, il y a eu une enquête il y a 4 ans, des Britanniques qui étaient les rois de la précarité. Il y a une commission parlementaire qui a montré 2 choses. C'est-à-dire que, 3 choses. 1, c'était une gêne complète au fonctionnement des labos, au fonctionnement collectif des labos. 2, c'était une sélection à rebours, par sa mesure que les gens trouvaient des emplois, ils foutaient le camp. Et la troisième chose, c'est qu'on ne forme pas de spécialistes. Alors là, je parle en science. Les gens en science qui ont un contrat et qui veulent continuer à bouffer, ils vont sur un autre contrat, mais sur un contrat qui n'a pas nécessairement le même sujet. Et donc, par conséquent, vous ne formez jamais de gens pointus dans quelque chose. Et je crois que la précarité, en dehors de tout ce qui a été dit, c'est peut-être la menace la plus grave qui existe pour la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche française.